إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc nous continuons la lecture de cet écrit très bénéfique du grand savant, le cheikh al-imam Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz alayhi rahmatullah. Il dit rahimahullah: wa ala ra's al-ulama ba'da ar-rusul ashab ar-rasul alayhi salatu wassalam. Et à la tête des savants, au sommet des savants, après les messagers, il y a les compagnons du messager, alayhi salatu wassalam. Ceci est bien clair et bien compréhensible. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a compris qu'est-ce que le savoir, c'est ce qu'on retrouve dans le Coran et la Sunna. Et le Coran et la Sunna ont été donnés à qui ? Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il l'a transmis à qui? Aux compagnons radiallahu anhum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui vient de son Seigneur subhanahu wa ta'ala le savoir. Et il le donne à ses compagnons. C'est l'héritage qu'il leur donne. Donc il est tout à fait logique que les plus savants, ce sont bien les compagnons après les messagers alayhimu salatu wa salam. فإنهم هم الفقهاء على الكمال. C'est eux les détenteurs de la bonne compréhension de la religion qui ont le savoir parfait et complet. Plus tu connais les compagnons, plus tu as connaissance de leur savoir et plus tu es savant. Moins tu l'as et moins tu l'es. Contrairement à certains parmi les sectes déviantes et les égarés qui, tout en cherchant à ne pas parler en mal des pieux prédécesseurs parmi les compagnons et les tabi'in, mais ils ont eu le culot de prétendre que ceux venus après ont eu plus de science que ceux qui sont venus avant. Wal'iyadhu billah. Le Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah, lorsqu'il réfute ces sectes-là et ces idéologies-là, il en parle. Ils ont dit cette fameuse phrase: « Ilmu salafi aslamu ». C'est-à-dire, la connaissance, le savoir des pieux prédécesseurs, il est plus sûr. Tu es content de leur savoir, c'est plus sûr. C'est plus tranquille. C'est plus apaisant. « Wa ilmu al-khalafi a'lamu wa ahkam ». Mais la science des khalafs, de ceux qui sont venus après, les générations d'après, ce qu'eux ont apporté comme science, ils sont bien plus savants, ils en ont bien plus. Et il y a plus de sagesse dedans. Wal'iyadhu billah. Et ça, c'est faux. Ilm al-khalaf ne comporte rien. Ilm al-salaf, aslam wa a'lam wa ahkam. C'est là où il y a le plus de science, c'est là où il y a le plus de sûreté, et c'est là où il y a plus de sagesse. Si ce n'est pas chez eux, c'est qu'il n'y en a pas. Mais pour vous dire, faire comprendre jusqu'à quel culot ils ont atteint ces gens-là pour comme dénigrement. Rahimallah, l'imam Ibn Rajab, al-Hanbali rahimahullah. L'imam Ibn Rajab, un grand imam du 8e et 9e siècle de l'Hégire, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Le mérite de la science des pieux prédécesseurs sur celle des khalaf, c'est-à-dire les générations qui sont venues après. الذين تلقوا العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. Car les compagnons, ils ont reçu, pris ce savoir directement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne peuvent être que les meilleurs disciples et les meilleurs élèves, vu qu'ils ont eu le meilleur des enseignants. Et le meilleur des professeurs, qui est le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa tafaqqahu fi kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim alayhi salatu wa salam. Et ils ont appris la bonne compréhension dans le livre de leur Seigneur et la sunna de leur prophète alayhi salatu wa salam. Eux, ils avaient face à eux comme professeurs, comme enseignant, celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rendu infaillible. Celui qui ne se trompe pas dans ce qu'il enseigne, dans ce qu'il donne à ses compagnons, radiallahu anhum. Et comme on le sait, le sunna, ils ont des règles bien claires. Al-alim, le savant, quel que soit son statut et son degré de savoir, il a une haute place qui lui est réservée, un haut grade. Mais chez Ahl Sunna, il a sa part d'erreur. Il peut se tromper. C'est-à-dire, on ne le suit pas aveuglément. On ne lui donne pas un suivi, une écoute, comme celle qu'on donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce suivi, cette écoute qui est donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est propre à lui. Après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, depuis le meilleur des hommes, après les prophètes, Abu Bakr Siddiq, radhiallahu anhu, jusqu'au dernier des musulmans, tout le monde a sa part d'erreur. Et il peut se tromper. Et ça, c'est une chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis sur les fils d'Adam, qu'ils commettront des erreurs. En tant que créatures, elles sont finies. Elles sont imparfaites et elles sont incomplètes. Et en cela, il n'y a aucun problème et aucun mal. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tout fils d'Adam se trompe. Tous. Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent, ceux qui reviennent à Allah azza wa jal. De se tromper n'est pas le problème en soi, mais de rester, de persister dans son erreur, de ne pas voir son erreur, de ne pas corriger son erreur, c'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le souci. Et c'est pour cela que certains savants, lorsqu'ils parlent de tawhid, l'unicité, de rendre une chose en un, c'est connu, le tawhid, envers Allah Azza wa Jal, il touche trois domaines, la seigneurie, la divinité et les noms et les attributs. Lorsque les ulama ont médité les textes religieux, les versets et les hadiths qui parlent d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son tawhid, ils ont vu que ça parlait de deux grands domaines. L'un concerne les informations qui concernent le Seigneur. Tabaraka wa ta'ala. Et Ce point-là, certains l'ont rendu un, ce sujet, et d'autres l'ont divisé en deux. C'est pour ça que parmi les anciens ulama, le tawhid, il y en a, ils le divisent en deux. L'information qui concerne le Seigneur, ce que Allah nous donne, parle de Allah, parle de lui, et son prophète Hassan nous parle de lui dans ses hadiths authentiques. Ça concerne la seigneurie et les noms et attributs. La seigneurie qu'Allah, il est seul et l'unique dans tout ce qu'il fait. Il n'a pas d'associé ni d'égal. Personne n'est avec lui. Subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah possède les meilleurs des noms, les plus élevés et les attributs les plus magnifiques. Subhanahu wa ta'ala. Puis vient le deuxième domaine qui concerne l'uluhiyya wa l'ibada. Mais ceci concerne qui? Les créatures. Les actes de dévotion, les actes d'adoration, de culte, ils ne doivent les vouer qu'à un seul et l'unique qui est Allah tabaraka wa ta'ala. Et d'autres ulama ont distingué sur l'information en deux, en disant il y a la seigneurie, les noms et attributs, et ces deux points-là concernent Allah Azza wa Jal. Et il y a l'unicité d'Allah dans la divinité qu'on appelle aussi l'unicité d'Allah dans l'adoration. Il porte ces deux noms. Tawhid al-uluhiyya et aussi Tawhid al-ibada. Ça concerne les adorations qu'ils doivent être vouées exclusivement à Allah tabaraka wa ta'ala. Puis, on nous parle d'un autre Tawhid qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelle comment? Tawhid al-mutaba'a. Le suivi donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'est en droit de le recevoir. C'est le seul que on le croit en tout ce qu'il dit, subhanahu alayhi salatu wa salam. Et ça, c'est une des définitions qu'on donne pour parler de le témoignage que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tasdiquhu fima akhbar. On affirme et on reconnaît tout ce qu'il nous dit, alayhi salatu wa salam. Wa ta'atuhu fima amar. Wa ma anhu naha wa zajar. Et son obéissance dans tout ce qu'il ordonne et de s'abstenir de tout ce qu'il a interdit. Alayhi salatu wa salam. Ce suivi de cette manière, personne en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a le droit à ce suivi-là, à cette obéissance-là. Et c'est pour cela que les ulama nous enseignent que l'alim yustadallu lahu. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yustadallu bihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui-même, il est un argument, une preuve. Lorsqu'on vous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, personne ne peut dire quelle est la preuve du prophète. Quel est l'argument du prophète? Lui-même, il est un argument. Alayhi sallatu wassalam. Mais le alim a dit telle chose. Le alim a dit il faut faire telle chose. On va dire quelle est la preuve et l'argument du savant. Et c'est pour cela que les grands imams de l'islam, les grands ulama de l'islam, ils ont des paroles qui vont dans ce sens pour prévenir les gens, leurs disciples, leurs étudiants, ne nous suivez pas dans toute chose. De peur que vous nous suivez là où on a contredit, bien sûr, à leur stade, et vu la piété qu'ils avaient et la sincérité qu'ils avaient, et la communauté témoigne pour ces gens de science cela, ils ne l'ont pas fait volontairement. Mais c'est la part d'erreur qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété pour ces créatures. Et donc, et ça c'est pour montrer aussi. Et donc ils ont dit, si le hadith il est authentique, suivez le hadith, car c'est vers là où je vais. إذا صح الحديث فهو مذهبي. يعني ما أذهب إليه. C'est vers là que je vais. C'est cette réponse là que je prends. Si ma réponse contredit le hadith, après moi, après que j'ai parlé, vous avez découvert un hadith du prophète, c'est le hadith qu'il faut suivre. Ou alors, ne suis pas aveuglément, comme a dit l'imam Ahmed, Al-Awza'i, ou Soufiane, ou Malik, mais prenez de là où ils ont pris. Ressourcez-vous là où ils se sont ressourcés, dans les hadiths du prophète. Et l'imam Abu Hanifa, lorsqu'il dit, je dis la parole aujourd'hui et je reviens dessus le lendemain. Même Shafi'i, lorsque ma parole contredit le hadith, frappez-la contre le mur. Lorsqu'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, un homme lui pose une question concernant le hadj, il lui répond par un hadith. Et l'homme lui dit, mais Abu Bakr et Omar n'ont pas dit comme ça. Il lui a dit, malheur à toi, je crains que des pierres vous tombent du ciel sur vous. Je te dis, Qala Rasulullah, et tu me dis, Qala Abu Bakr et Omar, l'homme, quelle est son erreur? Il s'est servi de quel nom? Des meilleurs des hommes après les prophètes. Mais lorsque le prophète a parlé, il n'y a plus de parole. Alayhi salatu wassalam. Lorsque l'imam Shafi'i, rahimahullah, un homme lui pose une question, et il lui répond par un hadith. Et l'homme lui dit, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Il lui a dit, m'as-tu vu sortir d'une église? As-tu vu autour de ma taille une corde comme ils ont là, les moines? Tu m'as vu habillé en moine sortir d'une église? Je te dis, le messager d'Allah a dit, et tu me demandes à moi ce que j'en dis? Lorsque l'imam Malik, rahimahullah, un homme lui dit, ô imam, je veux rentrer en état de sacralisation, en ihram. D'où je dois le faire? Il lui a dit de l'miqat des gens de Médine, qui est Dhul-Hulayfa, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en état de sacralisation. Il lui a dit, je veux le faire depuis la tombe, depuis la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas loin de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik lui a dit, ne le fais pas. Je crains qu'un trouble, un trouble ne te touche. Il lui a dit, quel trouble il y a en cela? Ce n'est qu'une distance que je rajoute pour plus me rapprocher d'Allah. Au lieu d'être rapproché d'Allah depuis tel endroit, je le fais depuis ici. Je commence dès ici à être en adoration. Il lui a dit, je crains que tel verset ne te touche. Puis il lui a récité le verset d'Allah, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dans le sens du verset, Allah dit que craignent ceux qui vont à l'encontre de son enseignement, à l'encontre de son ordre, l'ordre du prophète sallam, qu'un trouble ne les touche, une fitna, un trouble ne les touche, ou un châtiment douloureux. Ô un tel, l'imam Malik continue en disant, ô un tel, penses-tu que tu as été spécifié d'une chose dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été spécifié, sache que ce qui n'était pas une religion à l'époque ne sera pas une religion aujourd'hui. Et les derniers de cette communauté ne pourront réussir que par ce quoi ont réussi les premiers de cette communauté. Et des paroles qui vont dans ce sens, il y en a beaucoup, des grands imams et des grands ulama de l'islam. Contrairement aux gens de l'innovation, comme même des gens qui sont des sectes en dehors de l'islam, mais qui s'affilient à l'islam, comme les chiites, les rawafid, qui eux disent que leurs imams, ils sont infaillibles, ils ne se trompent pas. Ils les ont mis à un stade au-dessus des prophètes. Et ils disent que leurs imams ont traversé un océan ou une mer. Là où les prophètes se sont arrêtés au rivage, au bord de la mer, n'ont pas pu le traverser. Eux, ils l'ont traversé. De même que les sectes soufis qui donnent à leur maître un statut, parfois même jusqu'à aller l'égaler au Créateur. Allah Azza wa Jal. Et donc, ils peuvent parler, leur parole n'est que vérité. Et parfois, et aussi parmi les fanatiques qui suivent un madhhab, une école de jurisprudence, ou parmi les sectaires qui suivent leur élite aveuglément, et ils prennent toutes leurs paroles comptant, comme s'ils ne pouvaient pas se tromper. Et ça, ce n'est pas l'enseignement du véritable islam. Ça, c'est important à le savoir. طيب ونقلوا ذلك الى من بعدهم غضا طريا. Et ils ont transmis cet enseignement aux générations après eux comme cela a été révélé clairement et purement. تفقهوا وعملوا. Ils ont appris, ils ont étudié et ils ont appliqué. ونقلوا العلم الى من بعدهم من التابعين. Et ils ont donc transmis la science à ceux après eux parmi les tabi'in, les successeurs. نقلوا كتاب الله الى من بعدهم لفظا وتفسيرا وقراءه الى غير ذلك. Ils ont transmis le livre d'Allah, le Coran, aux générations d'après, les paroles, les mots du Coran, l'explication du Coran et la lecture du Coran et d'autres enseignements. Car les compagnons étudiaient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils demandaient le sens des versets et ils écoutaient le prophète sallam leur enseignait le sens des versets. Et parfois, il arrive que l'un d'entre eux n'avait pas bien compris le verset. Comme à titre d'exemple, Adi ibn Hatim ibn Abdillah al-Ta'i radiyallahu anhu. Et Adi, il a entendu le verset d'Allah dans le sens du verset فَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Mangez et buvez jusqu'à que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir de l'aube. Il a pris un fil blanc et un fil noir. Il le mettait derrière son oreiller, puis il regardait jusqu'à pouvoir le distinguer. Puis lorsque cela a été rapporté au prophète sallam, le prophète sallam l'a corrigé. Et il lui a dit que c'était le fil blanc qui apparaît au ciel. Donc, l'explication du prophète sallam, c'est l'explication du verset. Donc le compagnon a su que ce n'était pas la bonne explication qu'il avait. Et donc, le prophète sallam a corrigé cela. De même, un récit, certains savants rapportent qu'il y a un calife, on a ramené à sa cour un khariji, une personne parmi les khawarij, les gens qu'on appelle aujourd'hui les tekfiri et leurs semblables. Et lorsqu'il a été amené, donc ça y est, hein, il a été attrapé, il va être condamné. Il lui a dit: qu'est-ce qui t'a poussé à te soulever? Il lui a dit la parole d'Allah: wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Et quiconque ne juge pas par ce qu'Allah a révélé, a fait descendre, les voilà les mécréants. Le calife lui a dit: mais qui te dit que c'est un verset? C'est qui t'a dit que c'est un verset? Il a dit: c'est unanime. Tous les compagnons sont unanimes là-dessus que c'est un verset. Il lui a dit: alors si tu es satisfait de leur consensus sur que cette parole est un verset, alors sois satisfait sur leur consensus concernant l'explication du verset. Comment tu peux t'argumenter que le verset, il est authentique parce que les compagnons l'ont dit, mais au même moment, tu refuses d'accepter l'explication du verset des compagnons. Subhanallah. Car c'est leur agissement. C'est-à-dire, ils ont pris le Coran des compagnons, puis ils se sont mis à les traiter de mécréants. Donc, si ce sont des mécréants, comment tu peux accepter le livre ? Subhanallah. Voyez dans quoi ils sont. Wal'iyadhu billah. Et c'est pour cela que Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, lorsqu'il a confronté et il a débattu avec les Khawarij, ils étaient plus de 10 000 à vouloir combattre les compagnons. Et ils ont traité les compagnons et ils les ont taxés de mécréants et d'apostats. Parmi les choses qu'il leur a dit Abdullah ibn Abbas, pour leur montrer leur erreur, qu'ils sont dans le faux, qu'il ne fait aucun doute, il leur a dit, ne voyez-vous pas qu'il n'y a pas un seul compagnon parmi vous. C'est-à-dire, entre le prophète et vous, il y a qui ? Il y a les compagnons. La chaîne, elle n'est pas complète. Il manque les compagnons. Il n'y en a pas un seul. Pas un seul parmi vous. Rien que ce point-là, normalement, devrait vous faire réfléchir. Ce n'est pas possible. Les compagnons sont encore là, présents, vivants. C'est eux qui nous ont transmis l'islam. Et les compagnons sont unanimement, sans aucune exception, contre nous sur notre façon de comprendre l'islam. C'est bien la preuve comme quoi on n'est pas dans le vrai. Ce n'est pas possible. Au final, une bonne partie vont quitter le groupe des Khawarij et il en restera. Car c'est Allah qui guide qui il veut et qui égare qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Donc, puis il dit, Rahimahullah, Cheikh Ben Baz, wa naqalu ila man ba'dahum aydan ma bayyanahu lahum nabiyuhum alayhi salatu wassalam. Et ils ont transmis, les compagnons toujours, aux générations d'après aussi, donc le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, avec son explication, sa véritable compréhension et sa lecture, parce que le Coran a des règles de lecture. Et le Coran se prend de la bouche de celui qui a les connaissances de cette lecture. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui enseignait le Coran aux sahabas, mais parmi les sahabas, certains se sont distingués dans la lecture du Coran. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui veut prendre le Coran, qu'il le prenne de Ubay, de Ali, il a cité des noms, et de Ibn Ummi Abd, yani Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhum ajma'in. Il a cité des noms. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont distingués dans ce domaine. Et celui qui veut prendre la lecture du Coran comme il a été révélé, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné, voilà les personnes. Et donc le Coran, celui qui veut le mémoriser et qui veut bien le réciter, il se doit de se faire entendre par quelqu'un qui a cette connaissance. Très important. Et en premier lieu, pour tout le monde, sans exception, Al-Fatiha. Al-Fatiha. Al-Fatiha, parce que celle-là, c'est celle dont dépend la validité de ta prière. Quelqu'un, s'il récite que le Fatiha dans sa prière, elle est bonne. Quelqu'un qui récite de Surat al-Baqarah jusqu'à Surat al-Nas dans la prière, sa prière, elle est caduque. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas récité le Fatiha. Même s'il a récité de l'Baqara jusqu'à Nas. Pratiquement 60 hizb. Mais sa prière n'est pas bonne parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas de prière sans Fatihatul Kitab. Donc cette sourate, elle a, c'est un des piliers de la prière. Donc, en premier lieu, la sourate al-Fatiha doit au moins d'avoir une lecture correcte et acceptable pour que la prière, elle soit valide. Ça, c'est important. Donc, même si quelqu'un, vu les conditions et les difficultés de trouver quelqu'un, même s'il apprend tout seul, même s'il apprend par tel biais, mais à un moment donné, dès qu'il a l'occasion de tomber sur quelqu'un qui a la connaissance, il s'assoit et il répète ce qu'il a appris. Comme ça, il pourra corriger s'il y a des fautes. Tu ne peux pas être lecteur et tu écoutes en même temps, soi-disant. Ce n'est pas pareil. Toi-même, tu ne verras pas les fautes que celui qui est en face de toi va les voir. Ça, c'est très, très important. Donc, ils ont aussi transmis les enseignements du prophète, c'est-à-dire les hadiths. Et les hadiths comportent trois domaines, touchent trois domaines. Les paroles du prophète, lorsque les compagnons nous disent, le prophète a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, les actes du prophète, j'ai vu le prophète faire, on était avec le prophète et il a fait telle chose. Et les approbations du prophète, des compagnons, un compagnon a fait telle chose, a dit telle chose, et le prophète sallam ne l'a pas repris. Ou alors, il l'a clairement approuvé. Et le prophète sallam, même s'il ne dit rien, ça vaut approbation. Car il n'est pas permis au prophète de retarder l'enseignement. De retarder la transmission. Si ce n'était pas bon, sur le champ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le corriger. Comme il l'a fait alayhi wa sallam lorsqu'il le fallait. Donc, ils ont enseigné le Coran et ils ont enseigné la Sunna. Ils l'ont transmis. Radiallahu anhum ajma'in. ونقلوا إلى من بعدهم أيضا ما بينه لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام من معنى كلام الله عز وجل. ونقلوا أيضا لمن بعدهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي سمعوها منه. Donc les hadiths qu'ils ont entendu le prophète sallam dire, والتي رأوها منه عليه الصلاة والسلام, et aussi les hadiths qui concernent ce qu'ils ont vu du prophète sallam, والتي أقرهم عليها, et les hadiths où il y a son approbation de ce qui a été fait ou dit devant lui, auprès de lui عليه الصلاة والسلام. نقلوها إلى من بعدهم بغاية الأمانة والصدق. Ils l'ont transmis à ceux après eux, les générations après eux, de la manière la plus forte dans la véracité. Dans la véracité et dans la confiance. D'une manière digne de confiance et véridique. Regardez parmi les ennemis de l'islam, il y a ceux qu'on appelle les orientalistes. Ceux qui se sont intéressés, hein, à tout ce qui touche aux Arabes, il y a leur religion générale qui est l'islam. On les appelait les orientalistes à l'époque coloniale. Ils sont apparus à peu près dans les années 1800 et quelques. Et ils ont existé pendant le 18e, le 19e et le 20e siècle. Maintenant, le terme orientaliste, on ne l'emploie plus pour leurs disciples et leurs héritiers. On les appelle les islamologues. C'est la même chose au final. C'est la personne, apparemment c'est une science. Donc d'étudier l'état des musulmans, ou certains, non, les livres, les textes sacrés des musulmans, mais lui il n'est pas musulman, il n'y croit pas. C'est quelle perte de temps, subhanallah. Et qu'est-ce qu'il a, dans sa société, qu'est-ce qu'il a rapporté? Encore quelqu'un qui est architecte, qui est mathématicien, qui est physicien, qui est médecin, il a une utilité, subhanallah. Mais lui, là, c'est quoi son utilité, subhanallah? Quelle perte de temps. Parmi eux, il arrive que certains entrent dans l'islam en étudiant et en entrant dans ces sciences-là, eh ben son cœur, il s'ouvre et il voit des vérités. Et d'autres, ils se servent de ce qu'ils apprennent pour mettre les ambiguïtés dans la communauté. Donc la personne, elle ne croit pas. Et elle ne croit même pas au hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il trouve tout moyen pour discréditer les hadiths. Comme le fait de dire, là où il n'y a aucun doute, où c'est sûr, c'est le Coran. Mais les hadiths, il y a du vrai, il y a du faux, il y a du mélangé, il y a. Hein, il y a du faible. Donc, c'est une manière de dire, les hadiths, ce n'est pas au même degré que le Coran. Subhanallah. Donc, voilà. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que le Coran en lui-même, il n'est pas vrai. Mais il y en a, ils n'arrivent pas à ce stade-là. Mais la deuxième, le fait de remettre en cause les hadiths d'une manière soi-disant correcte, mais elle est incorrecte, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà ce qu'ils disent. Ouais, mais normalement, après, ils n'avaient pas le droit d'écrire le hadith. Ah bon, pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il avait interdit qu'on écrive en dehors du Coran, pour pas que ça se mélange avec les versets coraniques. Et ça, ce sont des gens qui ne croient pas au hadith. Comment vous pouvez vous servir d'un hadith alors que vous ne croyez pas au hadith? Subhanallah. Qui vous a dit que c'est un hadith? Vous n'y croyez pas au hadith. Subhanallah. Et en plus de cela, envers qui on va retourner? On a vu, le cheikh nous l'explique clairement. C'est qui? Les ulama, les fuqaha, vers qui il faut retourner? Ceux-là qui ont la foi et la croyance, les bons musulmans. Et ils vont nous montrer qu'il n'y a jamais de contradiction dans les textes religieux. C'est notre petite tête, notre ignorance, qui nous fait croire ou voir qu'il y a des contradictions. Mais le alim va t'expliquer, va te montrer qu'il n'y a pas de contradiction. Voyez, regardez. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la ruqya, elle est demandée ou elle est acceptée contre les morsures de scorpions, de serpents, ce genre de bêtes, et aussi contre le mauvais œil, ou d'autres choses semblables. Mais ça, c'est précisé dans le hadith. Et dans le hadith, des 70 000 qui entreront au paradis sans jugement, sans châtiment, il dit que ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse le ruqya. Alladhina la yastarqun. Là, le prophète dit que la ruqya, on peut la demander, la faire. Et là, il dit, les 70 000, ils entrent, c'est-à-dire parmi eux, ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse, ils ne demandent à personne qu'on leur fasse le ruqya. Les ulama vont t'expliquer. Il n'y a pas de contradiction. La ruqya, on assemble les textes, la ruqya, elle est permise, elle est légiférée. Mais une étape encore mieux que ça, et plus louable, c'est que la personne, tellement qu'il met sa confiance en Allah, il demande à personne de lui faire ruqya. Voilà. Tu as le droit de faire ruqya, mais tu n'as pas fait ce qui est le mieux. Le mieux, c'est de ne pas demander aux gens de te faire ruqya. Et là, on comprend les textes clairement. On revient à qui quand on ne comprend pas, quand on a un doute, quand on ne sait pas, on revient à qui? Aux ulama, et non pas à ceux qui ont pour fonction de nous mettre du doute dans la religion. Subhanallah. Ça, c'est important. Et lorsqu'on réunit les textes concernant l'écriture, c'est clair qu'à l'époque, ils écrivaient sur des parchemins de cuir, de la peau de bête. Ils écrivaient sur de la pierre. Ils écrivaient sur des ossements. C'était ça qu'ils avaient. Et très peu savaient écrire et lire à leur époque. D'accord? Et donc, ils n'avaient pas comme nous on a le Coran réuni comme on l'a. C'était des passages dispersés. Subhanallah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un moment, a dit de ne pas écrire pour pas que les gens qui ont ces écrits se mélangent et ils ne distinguent pas les versets coraniques de ces hadiths. Mais au même moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque quelqu'un a dit à Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma, n'écris pas, tu écris tout ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, écris, ne sort de cette bouche que la vérité. Alayhi salatu wassalam. Et Abu Huraira radiallahu anhu, dans une de ses paroles, il dit, Abdullah ibn Amr mémorise plus que moi, car lui savait lire et écrire et moi je ne le savais pas. Il n'avait que la mémoire, mais il ne savait pas ni lire ni écrire. Mais il avait une mémoire très forte. Radiallahu anhum, ajma'in. نقلوها إلى الأمة بواسطة الثقات من التابعين. Et cette transmission, elle a été donnée aux plus sûrs et aux plus dignes de confiance parmi les تابعين. حتى نقلت إلينا بالطرق المحفوظة الثابتة التي لا يتطرق إليها الشك. Jusqu'à que cette transmission est arrivée à nous de manière préservée, protégée, sûre, dans laquelle il ne fait aucun doute. Le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, s'est pris garant lui-même, subhanahu wa ta'ala, de le préserver. Ils essayent, les créatures, de toucher au Coran, de rajouter ou de le diminuer. Ils ne le pourront, même si tous les djinns et tous les hommes se mettaient ensemble pour le faire. Ils sont dans une incapacité même de ramener une seule sourate semblable au Coran. Et le hadith, Allah tabaraka wa ta'ala, met dans toutes les époques des hommes dignes de confiance qui vont préserver les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'un homme est devenu, on l'a ramené devant le calife, un des califes anciens, à l'époque des plus prédécesseurs, et il a été attrapé. Mais il voulait dire, j'ai réussi à faire autant de mal avant que vous m'attrapiez. Il dit au calife, si tu savais le nombre de hadiths que j'ai inventés, que j'ai transmis dans la communauté, environ 4000. 4000. Le calife lui a dit, mais tu es où toi par rapport à un tel? Il lui a cité un imam parmi les imams du hadith. Il les a tous pris un par un et il a prouvé qu'ils n'étaient pas bons. Pendant que toi tu fais ça, il y avait des hommes qui étaient là pour préserver les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et enlever tout ce qui entache, tout ce qui n'en fait pas partie. نقلها الثقات عن الثقات. Et cette science qu'on appelle ilm al-rijal, la science des narrateurs, elle n'existe dans aucune communauté si ce n'est la communauté musulmane. Dans l'histoire entière, personne n'a cette science. Subhanallah. C'est pour cela que les autres communautés, ils se sont perdus. Ils ne peuvent plus distinguer le vrai du faux. Ils n'ont pas, ça n'existe pas chez eux. Il y a des trous. Ils ne le savent mais peut-être même pas. Ou ils le savent, mais ils n'y prêtent pas attention. Et en islam, non, des règles bien précises ont été mises pour protéger les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même quelqu'un, son nom il est cité, on ne le connaît pas, on dit il est majhoul, inconnu. Il se peut qu'il soit quelqu'un de bien, mais le fait qu'on n'a rien qui nous dit qui il est clairement, subhanallah. L'imam Malik, rahimahullah, il dit... À Médine, il s'y trouve des hommes pieux. On leur demanderait de nous faire des doas. Mais avec ça, on ne prend pas leur hadith. Parce qu'ils n'ont pas la mémorisation. Ils ne peuvent pas mémoriser, rapporter les choses exactement comme ça a été dit. Ils n'ont pas cette faculté-là. Mais ce sont des pieux. Ça ne touchera pas à leur piété. Mais pour vous dire comment ils distinguaient, subhanallah, comment ils distinguaient. Donc, des dignes de confiance qui rapportent de dignes de confiance. وَالثِّقَاتْ عَنِ الثِّقَاتْ. Et ainsi de suite, il en est de génération en génération. حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى هَذَا الْقَرْنُ وَمَا بَعْدْ. Jusqu'à qu'elle ait atteint ce siècle et cette époque et l'époque d'après. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.